Unité 10, leçon 1, exercice 64. Formuler une hypothèse. Transformer. Exemple. Paul va peut-être obtenir un poste au Japon. Alors nous quitterons Paris en septembre. Si Paul obtenait un poste au Japon, nous quitterions Paris en septembre. À vous. Catherine va peut-être réussir son concours. Alors nous chercherons un nouvel appartement. Si Catherine réussissait son concours, nous chercherions un nouvel appartement. Je vais peut-être changer de travail. Alors je pourrai faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Si je changeais de travail, je pourrais faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Je n'ai pas su que le métro était en grève. Alors je n'ai pas pris ma voiture. Si j'avais su que le métro était en grève, j'aurais pris ma voiture. Je n'ai pas pu me libérer, alors je n'ai pas pu venir passer le week-end avec vous. Si j'avais pu me libérer, j'aurais pu venir passer le week-end avec vous. Elle n'a pas pu jouer dans le nouveau spectacle, alors elle n'a pas pu relancer sa carrière. Si elle avait pu jouer dans le nouveau spectacle, elle aurait pu relancer sa carrière.